7h36, comme chaque mercredi, la chronique des idées claires de Caroline Eliachef. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Au nom de la parité. Quelle mouche a piqué les sénateurs à 3h du matin dans la nuit du 17 au 18 septembre? Dans le cadre de la loi sur l'égalité homme-femme, un amendement déposé et voté par le groupe des radicaux de gauche prévoit, en cas de séparation du couple, de, je cite, « privilégier dans l'intérêt de l'enfant la résidence alternée quand c'est possible ». Fin de citation. À charge pour le juge aux affaires familiales d'argumenter un éventuel refus. Dans la foulée, un autre article stipule que le fait par tout ascendant d'entraver l'exercice de l'autorité par des manipulations diverses est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Excellent pour la paix des ménages et les diagnostics hasardeux d'aliénation parentale. Le but est-il de satisfaire le très minoritaire mouvement des pères en colère réclamant la résidence alternée par défaut, ou de contrer la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, défavorable à cet amendement, alors qu'un groupe de travail, comme vous venez de l'entendre, planche sur le sujet en vue de la future loi sur la famille de 2014. En attendant, des associations de mères ont manifesté dimanche dernier pour que l'amendement soit retiré, tandis qu'un groupe de pédopsychiatres, et non des moindres, a lancé une pétition pour alerter sur les dangers fort bien documentés de la résidence alternée imposée à tout âge. Ils souhaitent, et ce serait bien le moins, que pour tout projet de loi concernant la vie d'un enfant, les sociétés professionnelles et scientifiques soient consultées. La garde alternée n'est pas faite pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, mais pour qu'après une séparation, les enfants maintiennent des relations personnelles avec chaque parent. Nul ne conteste plus à un homme, parce qu'il est un homme, la capacité de s'occuper au quotidien d'un enfant. Et la loi de 2002 autorise le juge aux affaires familiales à fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun d'eux. Il n'y a donc pas péril en la demeure, et nous avons un certain recul pour en apprécier l'usage. À mon humble avis, son principal défaut est d'appliquer, au nom d'une parité mal comprise, une égale répartition du temps entre le père et la mère, aux dépens des besoins élémentaires de l'enfant. Ceux-ci sont évolutifs et il apparaît clairement que des seuils devraient être respectés. Pas de garde alternée instituée avant 3 ans et pas de garde alternée à la semaine avant 6 ans, sous réserve que des contacts très fréquents et une alternance progressive puissent se mettre en place avec le parent qui n'a pas l'hébergement principal, ce qui n'est pas le plus simple. Le législateur devrait aussi savoir que la prise en charge thérapeutique des petits-enfants et même des plus grands, quand ils souffrent de perdre répétitivement des personnes et des lieux est inefficace et risque de devenir un problème de santé publique. Ce n'est pas le psy qu'il faut consulter, c'est le rythme d'hébergement qu'il faut changer. Les besoins élémentaires des enfants ne sont ni de droite ni de gauche, mais nous sommes nombreux à observer que mieux on les connaît, moins on les respecte.